Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la route du rock. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Johnny en discutant d'un album, La Terre Promise, qui est sorti en 1975. Pour parler, je suis accompagné de Roux, notre expert en rock, et de Jeff, passionné depuis de nombreuses années par Johnny. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue Jeff sur la route du rock. Bonjour à tout le monde et puis salut Rook, salut JP, je suis très heureux de vous retrouver. Alors commençons par le contexte de cet album La Terre Promise. C'est numériquement le 20e album studio de Johnny. Il est sorti le 17 septembre 1975 et il est enregistré à Nashville, la capitale de la country. Exactement. Après avoir enregistré Rock à Memphis à Memphis, Johnny a poursuivi son voyage musical en se rendant à Nashville. Cet album est un mélange de country, rock et de ballade, avec des adaptations de chansons américaines et quelques compositions originales. Il se dit d'ailleurs que Johnny a fait le voyage entre Memphis et Nashville sur une Kawasaki 900 pour faire la jonction entre les deux villes. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Johnny s'est approprié les courants musicaux américains tout en y ajoutant sa touche personnelle. Absolument. D'ailleurs, le titre de l'album, La Terre Promise, est un bel exemple. Il évoque cette idée d'un lieu, d'un état d'âme où tout serait meilleur. Et on cherche tous La Terre Promise, d'ailleurs, depuis ce temps-là. Il faut aussi souligner la qualité des textes qui sont signés par Michel Mallory, qui a su donner à la chanson ce côté poétique et engagé. Oui, tu as raison, JP. Et du côté des compositions, il y a une vraie alchimie. Les arrangements sont à la fois puissants et sensibles. Tu en penses quoi, Jeff ? Exactement, Rook. Il y a d'ailleurs dans l'album 3 créations qui sont co-signées par le tandem Michel Mallory et Johnny Hallyday. Je t'aime à l'infini, La Première Fois notamment, qui sont deux ballades dans lesquelles l'harmonica et la guitare sèche sont de rigueur. Le texte de ces deux chansons évoque la reconquête de l'autre après un coup de canif dans le contrat pour Je t'aime à l'infini et la découverte de l'être aimé au début d'une relation pour La Première Fois. Moi j'avais peur, toi tu tremblais, du fond du cœur tu m'appelais, et cette nuit était pour toi la première fois. Et puis, il y a aussi Hey Love You Eddie. D'ailleurs, c'est un hymne à la force de la musique qui, dans une certaine mesure, résume l'esprit de l'album. La composition y est quand même hyper soignée avec des accents folk. Et en parlant de style, on remarquera aussi que La Terre Promise se distingue par sa production country très efficace. Tout l'album a été enregistré à Nashville au Singleton Sound Studio. Tu penses quoi de son accueil, Jeff ? Et oui, pas facile effectivement à prononcer, Rook. Et l'album est plutôt bien accueilli par les fans, bien sûr, qui sont fidèles à Johnny et qui apprécient ce mélange de rock, de country et de grands espaces, mais également par un public qui commence à s'élargir, même si on est encore loin des chiffres que Johnny atteindra à partir de l'année suivante avec Derrière l'amour. Les paroles en fait sensibles de certaines chansons d'amour font mouche auprès du grand public. Exactement. Et on se souvient encore des soirées où on écoutait cet album en boucle. C'était un temps où le vinyle bien était roi. Et on faisait des cérémonies en écoutant son album avec Picasso. C'était la découverte. Et d'ailleurs, le public se retrouvait dans son compte qui parle d'amour, de révolte et de quête de soi. Oui, JP. Et même si certains critiques de l'époque étaient plus réservés, l'album a su traverser les années. Il est aujourd'hui considéré comme une étape importante dans l'évolution musicale de Johnny Hallyday. Les arrangements, la qualité des textes et la performance vocale se conjuguent pour marquer l'histoire du rock français. On remarquera que Johnny achève avec cet album une série d'enregistrements pour la majeure partie réalisés à l'étranger depuis près d'une décennie. Ça avait commencé en 1966 avec La Génération Perdue, alors que les quatre albums suivants seront enregistrés en région parisienne. Il se fera plus rare aussi jusqu'au début des années 80 en tant que compositeur, ce qui n'est pas le cas sur l'album qui nous intéresse ici. N'est-ce pas, JP ? Alors c'est vrai, et si on regarde de plus près les crédits, on se rend compte que Johnny n'est pas seulement l'interprète, mais aussi un acteur dans la création de cet univers musical nouveau pour lui. Même s'il ne compose pas lui-même, tous les morceaux, il insuffle sa personnalité dans chaque note. Pour résumer, je dirais que La Terre Promise se distingue par plusieurs éléments clés. Les auteurs et compositeurs, hein, une plume talentueuse, celle de Michel Mallory, et des compositeurs qui ont su créer des mélodies en phase avec l'époque. Les thèmes, la quête de soi, l'amour, l'espoir et parfois la douleur existentielle. Le style musical, un mélange de rock, de country qui donne une identité forte à l'album. Et l'accueil du public, un succès commercial qui a renforcé la place de Johnny dans le paysage musical français. Tu es d'accord, JP ? C'est vrai, l'héritage de Johnny se poursuit et ce dialogue autour de l'album montre combien il est important de revenir sur ses œuvres pour comprendre l'évolution de Johnny Hanson. D'ailleurs, avez-vous un souvenir marquant lié à cet album ? Alors, parlons des chansons tout d'abord. Le titre phare, La Terre Promise, c'est une adaptation de Promised Land de Chuck Berry. Pourtant, bien qu'il s'agisse du titre phare et du nom donné à l'album, Johnny ne la chantera pas sur scène pendant plus de 25 ans, avant une tentative de retour à Vegas en 1996, puis de façon plus régulière à partir de 2009. T'es rebrûlé sous mes pieds, je ne sais pas m'arrêter. Mais où mes chansons m'entraînent, je ne fais que passer. Oui, je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs, ailleurs, je suis un étranger. Très en train de ville en ville, je finirai bien partout. Oui, et il y a aussi l'histoire de Bobby McGee, une adaptation de Me and Bobby McGee de Chris Christopherson, popularisée par Janis Joplin. Oui, je n'ai jamais su d'où il venait. Et ce qu'il cherchait, ce garçon triste qui me ressemblait. Ah, on marchait sur les mêmes routes et les mêmes chemins qui vont là d'où personne ne revient. Et n'oublions pas C'est bon, une reprise de Buddy Holly, ce qui est très rare dans la discographie de Johnny. 12 ans plus tôt, il avait repris That Will Be The Day sous le titre Quand ce jour-là viendra. Quand je te tiens là au creux de mes bras, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Oui, c'est bon quand tu m'embrasses, que je sens ton corps contre mon corps. Tu dis oui, que tu m'aimes et c'est bon. Alors, l'album contient également des compositions beaucoup plus originales comme Je t'aime à l'infini et Hey Love Lady, qui ont écrit toutes les deux par Johnny et Michel Mallory. Hey lovely lady, tu me rends crazy. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Johnny a su fusionner ses influences américaines avec sa propre identité musicale, créant ainsi un son unique. Tu es d'accord, Jeff ? Absolument, et sa voix puissante apporte une profondeur particulière à ses chansons. L'album a été très bien accueilli, atteignant même la 10e place des classements en France. Oui, mais malgré ce bon accueil, un seul titre de l'album sera défendu sur scène au Palais des Sports l'année suivante, j'ai nommé La Terre Promise. Le moment est venu de vous lever. Alors oui, c'est vrai, mais cet album marque une période où Johnny explorait profondément la musique américaine, hein, il fait corps avec l'album suivant. Oui, et cela se reflète dans la qualité des enregistrements et la passion qu'il y met. Alors JP, tu me demandais si on avait un souvenir marquant lié à cet album. Eh bien pour ma part, j'ai découvert les titres de cet album grâce au CD issu de l'intégrale guitare qui était vendu au détail au milieu des années 90. Et puis un petit peu plus tard, lorsque je commencerai à collectionner les vinyles, eh bien La Terre Promise fera partie des premiers disques à rentrer dans ma collection. C'est fascinant quand même de voir à quel point la musique peut marquer nos vies de manière différente. Enfin, la musique. Johnny en lui-même, comment il a marqué nos vies à différentes étapes. Quoi qu'il en soit, La Terre Promise reste un jalon incontournable qui a su résumer une époque tout en transcendant le temps. Exactement, et quand on discute aujourd'hui de cet album, on réalise qu'il ne se contente pas d'être un simple disque de l'époque. Il est le reflet d'un moment historique dans la musique française, et Johnny a mis toute son âme. En définitive, qu'on soit amateur de rock, de country ou de ballade, La Terre Promise offre quelque chose pour chacun. C'est une œuvre riche qui continue d'alimenter les discussions et les émotions, même plusieurs décennies après sa sortie. Alors d'ailleurs, on va faire un peu l'historique. En cet année 75, en janvier, le 10 janvier exactement, Johnny part enregistrer l'album Rock and Memphis, l'album précédent, dans les studios Iron Survey et aux États-Unis, à Memphis. Oui, et c'est sous la direction de Chris Kinsey et Tim Hinckley que Johnny enregistre cet album, Rock and Memphis. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout ça, ça se fait en quelques jours seulement. Il y a un titre sur ces sessions qui ne sera pas retenu. C'est Train sans espoir, Mystery Train. Mais j'imagine qu'un podcast dédié prochainement nous permettra d'explorer cet album. Train sans espoir, tu déchires la nuit. Train sans espoir, tu brises ma vie. Oui, bien sûr, comme celui-ci en spécifique. Il faut noter aussi que c'est Long Chris et Michel Mallory qui se partagent tous les textes de l'album. Alors, en parlant de Michel Mallory et de Long Chris, la légende dit que ces deux-là ne s'aimaient pas vraiment à l'époque et que Johnny leur avait offert à chacun une guitare pour que cela se passe bien entre eux. Très bonne anecdote. Alors, du 7 au 14 février, c'est directement Nashville pour mettre justement en boîte l'album dont nous parlons, La Terre Promise. On se rend compte du rythme effréné de Johnny en ce début d'année 1900. Bah justement, tiens, en parlant de studio, le 25 et le 26 mars, Johnny enregistre au studio Sonic de Milan ses succès en italien. Et côté TV, le 29 mars, on a la diffusion sur la deuxième chaîne du show Sylvie Vartan, aussi appelé Tout au fond des tiroirs, où Johnny et Sylvie chantent en duo Toi et moi. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. L'émission était en fait prévue pour le 1er janvier 1975, mais elle fut repoussée suite à une grève de la SFP. La dernière chanson qui devait s'appeler « Bonne année nouvelle » sera finalement remplacée par « Bon anniversaire » pour la diffusion à la fin du mois de mars. Et peu de temps après, début avril, exactement le 3 et 4, au studio Soundwork de Rome, n'est-ce pas, Roux ? Oui, ils y sont tous les deux pour enregistrer leurs deux duos de 1973 en italien, encore une fois. Et ils font un peu la promo en Italie avec les émissions de télé Adesso Musica avec le titre Et tout sei tu qui est la traduction de Comme un fou et puis Punto e basta que l'on pourrait traduire par Point à la ligne où il chante Il mio problema. C'est tout pour la promo italienne, Point à la ligne. Et Rock and Memphis sort le 21 mai 1975. Roux, combien de pochettes et d'éditions ? Bien JP, 7 éditions vinyle, en photo, avec 5 références différentes, et 3 éditions CD un peu plus tard, donc avec 2 références différentes, soit au minimum 10 variantes de ce disque. Je suis un peu perdu, les copains. On parlait de La Terre Promise, non ? Lui, il est sorti le 17 septembre de la même année, si je ne me trompe pas. Ouais, tu as raison, on s'égare, mais il y a une raison, n'est-ce pas, Roux ? Et oui, si on s'égare, c'est parce que le single de l'été comprend un titre de Rock and Memphis et un de La Terre Promise. Voilà. Ah, bien vu, les copains. Et en fin d'année, je passe quoi ? Et il y a eu un show TV au Canada, mais je crois que c'était en août. Et en fin d'année, Johnny remet le couvert et alternera les enregistrements de deux nouveaux projets à venir, les albums Hamlet et Derrière l'amour. Merci à vous deux, les copains, pour cet échange passionnant. C'est toujours un plaisir de revenir sur l'œuvre d'un artiste, surtout quand il est aussi emblématique. Ben, merci JP et merci Jeff. Ces discussions nous rappellent combien la musique peut être un formidable vecteur de souvenirs et d'émotions partagées. Merci à tous les deux et merci aux auditeurs. Et vive la musique qui nous réunit autour de ces grands moments. Nous vous invitons, chers auditeurs, à redécouvrir cet album emblématique de Johnny. Et au prochain épisode, ciao ! Ciao ! Ciao ! Quand je reviendrai, qui pourra me dire hello ? Quand quelqu'un revient, c'est trop tard ou c'est trop tôt ?